Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais prendre la suite de Claudio, ce qui n'est jamais une chose aisée, après cet exercice un peu prospectif, pour vous parler d'Enercoop, dont je suis administrateur, ainsi que Claudio. Donc, ça s'enchaîne plutôt bien, cette séance. Donc, je m'appelle Emmanuel Soulias, j'étais jusqu'à il y a encore quelques jours directeur de la RSE du groupe Massif, et c'est à ce titre que je siège au conseil d'administration d'Enercoop. Donc je ne suis pas un financier pur et dur, donc on va un peu prendre un chemin de biais pour vous présenter Enercoop, qui est une coopérative de fourniture d'électricité, et puis aussi les réflexions et les projets en cours au sein d'Enercoop qui, à un moment donné, rejoignent la thématique de l'investissement. Alors, je crois que c'est ça le type de formation. Oui. Il faut descendre. Voilà. Ok. Donc, Enercoop, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais juste essayer quand même d'avoir une vision un peu plus... Voilà. Ok. Donc Enercoop est né en 2005, c'est une SIC, c'est une société coopérative d'intérêt collectif qui a été créée à l'issue de différents débats et constats et prises de conscience de différents acteurs que vous voyez ici, donc ONG, Association Environnementale, Leclerc, la NEF, un acteur économique, et puis qui ont été rejoints par d'autres partenaires que vous voyez en dessous, donc on a retrouvé le Crédit Coopératif, la Massif, quelques collectivités, vous voyez la région, l'AREN également, le groupe Chèque Déjeuner, et puis d'autres ONG et associations. L'idée à la création d'Enercoop, je tente... Voilà. L'idée de la création d'Enercoop, c'est de profiter de l'ouverture du marché électrique et de proposer une électricité 100% renouvelable, premier point. Deuxième point, une électricité qui est gérée de manière directe et qui essaie de créer le lien le plus étroit possible entre les producteurs d'un côté et puis les consommateurs de l'autre, au travers de cette société coopérative d'intérêt collectif qui propose une gouvernance particulière. Alors pour ceux, celles et ceux qui ne connaissent pas les SIC, c'est une gouvernance très intéressante mais très complexe à gérer, qui organise la gouvernance autour de différents collèges, et on va trouver donc dans les collèges de la SIC le collège des producteurs, le collège des usagers ou des clients, le collège des salariés, le collège des collectivités territoriales qui veulent bien s'engager au travers du projet, le collège des partenaires. Donc vous voyez une gouvernance qui mobilise autour de la table et autour de la définition de la stratégie tous les acteurs impliqués d'un bout à l'autre de la chaîne de la production à la consommation de l'électricité. C'est pas facile à gérer, mais c'est relativement vertueux. Ça demande beaucoup de temps de débat et d'échanges sur chacune des décisions. Claudio peut en témoigner, mais en tout cas, c'est vertueux. Ça nous permet de mettre en contact à la fois les attentes et les besoins de chacun des acteurs de la chaîne. L'offre a été ouverte aux professionnels en 2006 et aux particuliers en 2007. Donc le focus pendant quelques années, ça a été plutôt de s'adresser aux particuliers. Puis on s'aperçoit depuis quelques temps que les professionnels s'intéressent à l'offre Enercoop, parce que vous savez qu'il y a la deadline du 1er janvier 2016 notamment, mais ça a été dit en introduction aussi, une ouverture progressive de ce secteur d'activité à la concurrence. L'offre d'Enercoop est possible sur l'ensemble de la France. Aujourd'hui, à peu près, c'est les chiffres de fin 2013, hein, 20 000 clients et 15 000 sociétaires. On essaye le plus possible de demander aux clients qui veulent bien souscrire l'offre Enercoop d'être également sociétaire. Être sociétaire, ça veut dire prendre une part ou plusieurs parts dans le capital d'Enercoop, et puis de participer à la gouvernance, participer à la prise de décision au travers de différents dispositifs, dont le dispositif un peu ultime qui est l'Assemblée Générale et qui rassemble l'ensemble des sociétaires d'Enercoop, ou en tout cas ceux qui veulent bien se déplacer. Fin 2013, à peu près 91 producteurs et puis 70 gigawattheures. 7 SIC régionales. Alors ça aussi, c'est une spécificité du projet Enercoop, c'est de être au plus près des territoires et de créer ce lien le plus direct possible entre les producteurs et puis les consommateurs. Donc il y a l'idée de régionaliser Enercoop le plus possible, avec à terme la constitution, et j'y reviendrai, d'un réseau Enercoop où on trouvera pas forcément une configuration classique et une tête de réseau ou une maison mère et puis des délégations régionales, mais plutôt un réseau de différentes structures plutôt régionales qui s'appuierait sur un GIE ou sur une structure auprès de laquelle elle mutualiserait certaines fonctions support essentielles. Donc aujourd'hui, il y a 7 SIC qui ont été créés dans les régions. Il y en a 2 qui sont en cours de configuration ou préfiguration, qui sont donc sous la forme d'associations. La manière dont ça s'est fait, je pourrais y revenir, c'est plutôt de manière opportuniste, hein, c'est-à-dire qu'il y a des territoires qui nous ont semblé intéressants et sur lesquels il y avait des porteurs qui étaient motivés, qui étaient engagés, qui voulaient développer le projet Enercoop sur les territoires. Il y a une SIC régionale Enercoop Aquitaine ici, comme certains d'entre vous le savent. D'ailleurs, c'était une question que je voulais poser en début d'intervention, mais j'ai oublié de le faire. Est-ce qu'ici, il y a des clients et ou sociétaires Enercoop? D'accord. Donc voilà, il y a quand même quelques personnes qui sont déjà engagées dans ce projet. Donc n'hésitez pas, au travers des ateliers ou au travers de vos questions ou interventions, à compléter ce que je dis le cas échéant, ou à donner la vision que vous avez, vous, en tant que consommateur et sociétaire. Donc on est vraiment dans cette idée, comme je l'ai dit, de créer un lien direct entre le producteur et le consommateur, et en participant du coup au développement régional des moyens de production. Je vais y revenir, c'est une des activités d'Enercoop qui est en cours de développement. Vous avez probablement entendu parler d'un dispositif qui s'appelle Énergie Partagée. Je vais y revenir, c'est un des dispositifs au travers desquels effectivement Enercoop souhaite contribuer au développement de projets solvables d'énergie renouvelable sur les territoires, de créer une relation la plus équitable possible entre ces producteurs et puis les entreprises qui distribuent l'énergie et au final les consommateurs, et de mobiliser le plus possible les acteurs de territoire autour des enjeux écologiques. Dans le projet d'Enercoop, il y a aussi un point essentiel qui est de contribuer à la maîtrise de la demande d'énergie, donc tous ces enjeux de sobriété énergétique, d'efficacité énergétique et de maîtrise de la demande et de la consommation énergétique, c'est aussi un volet essentiel dans l'offre d'Enercoop. Donc, Enercoop met en place donc une transition politique et économique au service des énergies renouvelables et de leur financement. Et vous voyez ici qu'il y a différents niveaux dans le projet Enercoop que j'ai un peu évoqué. Le niveau local qui est adressé et géré par les SIC régionales d'Enercoop. Le projet Énergie Partagée donc, qui promeut l'investissement citoyen, je vais y revenir en fin de présentation. Enercoop France, qui est la structure Enercoop historique. Et puis, c'est important aussi... une mobilisation, réflexion au niveau européen au travers d'un réseau qui s'appelle Rescoop et qui fédère différentes coopératives européennes. Pourquoi c'est intéressant? Ça a été dit tout à l'heure, on constate des disparités bien évidemment au travers de différents pays européens, ça a été évoqué autour de l'obligation d'achat de la méthanisation par exemple, mais c'est donc intéressant de voir de quelle manière le contexte réglementaire, le contexte fiscal, le contexte économique, la mobilisation des citoyens peuvent différer d'un pays à un autre, et c'est toujours intéressant de partager pour pouvoir nourrir la réflexion au niveau de chacun des pays. L'idée, j'emploie un terme là qu'on voit assez régulièrement, hein, c'est celle de la recherche de résilience, bien évidemment. Donc l'idée, c'est que les territoires à terme, et on est bien dans la dynamique qui nous rassemble aujourd'hui, puissent le plus possible, à terme, pouvoir adresser l'ensemble de leurs besoins énergétiques en impliquant le plus possible les acteurs de territoire que sont les collectivités et les citoyens, répondant à des besoins réellement avérés, c'est-à-dire des besoins qui sont réels. Alors, les projets de production Enercoop, vous avez des producteurs qui soient photovoltaïques, éoliens, hydrauliques, biomasse, qui créent une production qui est vendue à Enercoop, et Enercoop les revend à ses clients sociétaires. Mais Enercoop aussi s'implique dans la création de sociétés de projet qui peuvent être des SAS, ça a été dit, des sociétés d'économie mixte, dans lesquelles on va retrouver bien évidemment les collectivités territoriales Et puis les citoyens et entreprises qu'on peut retrouver au travers de différents dispositifs. Le plus répandu qui ne concerne pas des montants énormes, c'est celui des cigales. Et donc il y a tout un tas de projets qui sont très intéressants, notamment en Bretagne, qu'on pourrait citer, dans lesquels les cigales sont impliquées de manière directe dans le financement de projets. Et puis énergie partagée. Énergie partagée sur lequel je voulais faire un petit focus. Énergie partagée, ça a été un projet qui a été co-créé à l'origine par le réseau Enercop et puis la Nef, et dans laquelle on trouve d'autres acteurs à terme, effectivement, vous voyez, Crédit Coopératif, Leclerc, Espul, tout un tas d'acteurs divers et variés. Et l'idée, c'est de promouvoir et d'aider à l'investissement citoyen. L'idée de base, c'est de pouvoir dire chaque citoyen, alors qu'il soit riverain ou pas forcément riverains, bien évidemment c'est mieux que ce soit les riverains qui investissent dans les projets de production d'énergie renouvelable, parce qu'il y a une appropriation particulière, et on constate effectivement que quelqu'un qui possède des parts d'une manière ou d'une autre dans un projet, par exemple éolien, mais il est toujours plus enclin à l'accepter, il y a une acceptabilité un peu plus élevée que quelque chose qui apparaît tout d'un coup sur un territoire dont on connaît pas bien les mécanismes financiers ni quels sont les actionnaires. Là, tout d'un coup, il y a une appropriation à titre personnel qui est importante. Donc Énergie Partagée a été créée justement pour promouvoir l'investissement citoyen. Et puis on va retrouver les mêmes dispositifs que ceux qui ont été évoqués jusqu'à présent, hein, c'est-à-dire il y a des fonds propres, il y a des prêts, il y a toute cette mécanique là, voilà, d'équilibre qu'il faut trouver autour des projets citoyens. Mais l'idée, c'est encore une fois, le plus possible au travers soit de financement direct, soit de prise de part, d'inciter le citoyen à prendre des participations dans les projets citoyens. Alors aujourd'hui, Énergie Partagée a un capital d'à peu près 6 et 7 millions d'euros. Depuis quelques jours, il y a eu une conférence de presse et un lancement officiel lundi de cette semaine. On rentre dans la deuxième phase de collecte d'Énergie Partagée. Voilà, je vous incite, si vous souhaitez en savoir plus, à aller sur le site internet d'Énergie Partagée, de regarder la manière dont ça fonctionne et le dispositif qui est mis en place. L'idée, c'est réellement de créer ce cercle vertueux dont on a parlé tout à l'heure, alors qui n'était pas tout à fait le même que la question qui a été posée, mais qui est de dire, moi, citoyen, j'ai la possibilité aujourd'hui, alors on présente le projet Enercop et Énergie Partagée aujourd'hui, mais il y a d'autres dispositifs, et je crois que le projet de loi sur la transition énergétique va inciter à l'accroissement de ces dispositifs, de faire en sorte que le citoyen puisse d'une part savoir d'où vient l'énergie qu'il consomme, de pouvoir le plus possible avoir un lien le plus possible direct avec les producteurs d'énergie, et puis de s'investir financièrement pour promouvoir ce mode de développement des énergies renouvelables, et puis aussi pour faire un investissement financier, étant entendu que la structure que je vous présente aujourd'hui, Enercop, encore une fois, c'est une société coopérative qui cherche pas le bénéfice à tout prix, hein, donc j'ai oublié de l'évoquer, mais je pense que la plupart d'entre vous connaissent ce type de dispositif un peu coopératif. Les profits, quand on en fait, ils sont réinvestis au service du projet le plus possible, soit dans l'investissement, soit dans l'amélioration des process, soit au service des sociétaires et clients en agissant sur les tarifs. Voilà. J'ai fait court parce qu'on avait demandé 5 ou 6 slides et puis 15 minutes maximum. Donc ça, c'est une photo qui a été prise à l'occasion du Festival de la Transition à Cluny il y a un an ou deux ans. J'évoque juste ce sujet-là pour dire que Enercop fait partie, avec d'autres acteurs type Terre de Liens, type la Nef, type beaucoup d'autres acteurs, de ce mouvement de la transition dont vous avez peut-être entendu parler, et qui concerne un peu cette volonté de redonner, effectivement, de remettre le citoyen acteur de tous ces dispositifs, qu'ils soient du foncier, qu'ils soient de l'énergie, qu'ils soient de l'alimentation. Voilà, donc c'est intéressant aussi. Là aussi, vous pouvez aller regarder, pour ceux qui connaissent, ou en tout cas peut-être qu'on peut en parler en atelier, de parler un peu plus de cette transition globale, qui n'est pas uniquement énergétique et sociétale. Voilà, merci.